Au sport, le 29 novembre, au hockey mineur dans la Ligue simple lettre Hartford-Saint-François. L'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Hockey Expert Sherbrooke 2 à East Angus à 16h15. L'équipe novice B affronte les cantonniers de Magog 2 à 15h, aussi à East Angus. Toujours à la maison, l'équipe Atombe B accueille Metro Plouf Sherbrooke 1 à 17h30. L'équipe Peewee A reçoit Jets Frontières à East Angus à 18h45. Le 30 septembre, toujours au hockey mineur dans la Ligue simple lettre Hartford-Saint-François, l'équipe novice B des Sharks du Haut-Saint-François affronte Club Piscine Sherbrooke 1 au centre Julien Ducharme de Fleurimont à 12h15. L'équipe novice B reçoit Frontalier Quaticook à 13h30 à East Angus.